Le paysan s'assit aussitôt en murmurant « Vous êtes bien honnête ». Puis il attendit, comme s'il n'avait plus rien à dire. Au bout d'un assez long silence, il se décida enfin, et, levant son regard vers le ciel bleu, « En voilà du beau temps pour la saison. C'est la terre qui en profite pour ce qu'il y a déjà de semer. » Et il se tut de nouveau. Le baron s'impatientait. Il attaqua brusquement la question d'un ton sec. « Alors, c'est vous qui épousez Rosalie ?» L'homme, aussitôt, devint inquiet, troublé dans ses habitudes de Cotel Normand. Il répliqua, d'une voix plus vive, mise en défiance. « C'est selon. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est selon. » Mais le baron s'irritait de ses tergiversations. « Sacrebleu, répondez franchement. Est-ce pour ça que vous venez, oui ou non? L'apprenez-vous, oui ou non ?» L'homme, perplexe, ne regardait plus que ses pieds. « Si c'est ce que dit monsieur le curé, je l'apprends. Mais si c'est ce que dit monsieur Julien, je l'apprends point. »« Qu'est-ce que vous a dit monsieur Julien ?»« Monsieur Julien, il m'a dit que j'aurais 1 500. »« Et monsieur le curé, il m'a dit que je n'aurais 20 000. »« Je veux bien pour 20 000, mais je veux point pour 1 500. » Alors la baronne, qui restait enfoncée en son fauteuil, devant l'attitude anxieuse du rustre, se mit à rire par petites secousses. Le paysan la regarda de coin, d'un œil mécontent, ne comprenant pas cette gaieté, et il attendit. Le baron, que ce marchandage gênait, coupa court. « J'ai dit à monsieur le curé que vous auriez la ferme de Barville, votre vie durant, pour revenir ensuite à l'enfant. Elle vaut 20 000 francs. Je n'ai qu'une parole. Est-ce fait, oui ou non ?»